Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Histoire de femmes artistes, histoire de femmes quand il s'agit de lutter pour créer. Qui est Alice Guy? Qui est cette vieille dame qui décède à 94 ans le 24 mars 1968 aux États-Unis? C'est Alice Guy Blacher, dite Alice Guy, une réalisatrice qui, hélas, a longtemps été laissée hors champ avant d'être redécouverte. Pourtant, elle nous a appris comment naissent les bébés dans des choux. Et à l'instar des évangiles, elle nous a raconté la vie de Jésus. Elle nous a offert de sublimes danses serpentines et des scènes de la Commune de Paris. Sublime Alice Guy, moteur. José-Louis Boquet, bonjour. Bonjour. Alice Guy, j'évoquais le fait que cette réalisatrice a longtemps été laissée hors champ. Vous-même, comment l'avez-vous découverte? Alors moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis un amateur de bande dessinée à la base. Je suis même devenu scénariste de bande dessinée et qu'au tout début des années 80, j'ai rencontré un certain Francis Lacassin qui, au tout début des années 60, avait créé le premier cercle d'études sur la bande dessinée avec Umberto Eco, Alain Resnais et tout un tas d'autres gens. Donc moi, je l'ai rencontré pour ça et il s'avère qu'il était aussi un passionné du cinéma primitif. Et en particulier d'un certain Louis Feuillade, qui était l'assistant d'une certaine Alice Guy. Et lui-même, en 1963, Francis Lacassin était allé rencontrer Alice Guy. Donc pour moi, Alice Guy, elle a toujours fait partie de mon panthéon. J'ai toujours cru que tout le monde connaissait Alice Guy dans l'histoire du cinéma. Et dans le cours de l'histoire sur France Culture, émission d'histoire, nous nous intéressons aux archives. Effectivement, dans cette rencontre, alors une rencontre indirecte, il y a des archives, il reste des documents. Alors ça, ça a été aussi ma grande chance, c'est que Francis... qui m'a vu publier notre premier ouvrage avec Catel consacré à Kiki de Montparnasse, immédiatement a dit « Mais enfin, José-Louis, c'est Alice Guy est évidemment un personnage pour vous, ce sera un personnage de roman graphique formidable. » Pour lui, tout à coup, lier le 7e art et le 9e art, c'était formidable. En même temps, mais Francis, c'est raconter l'histoire du cinéma. Raconter Alice Guy, c'est ça. C'est raconter les tout débuts, c'est-à-dire les premières rencontres avec lumière, les premières caméras, les premières projections. Donc ça me semblait hors de ma portée. Puis on vieillit avec le temps, on finit par croire qu'on est capable de faire certaines choses et de déplacer des montagnes. Voilà, j'ai hérité de toutes les archives de Francis Lacassin, qui est le premier à avoir établi la filmographie d'Alice Guy en compagnie d'Alice Guy, qui m'a transmis des photos qui venaient de la collection personnelle d'Alice Guy et légendées au recto de la main avec cette écriture très fin 19e, vous savez, avec des pleins, des déliés, avec des très jolies majuscules comme on ne sait plus les faire aujourd'hui. Et tout ça de la main d'Alice Guy, sa correspondance, et ça a été vraiment la base de notre travail avec Catel pour faire ce roman graphique. Voilà, ce roman graphique s'intitule tout simplement Alice Guy, il est publié chez Casterman, c'est absolument sublime. Catel et Boquet, José-Louis Boquet, c'est vous, c'est merveilleux de traverser l'histoire de cette femme déjà, c'est un destin, et l'histoire du cinéma, parce qu'il est possible de dire qu'avec Alice Guy, nous sommes alors aux origines du cinéma tel que nous l'entendons aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est là lors de la toute première projection des Lumières, bien avant le 28 décembre, le fameux salon indien boulevard des Capucines, la toute première projection à Paris, privée. Et comme elle est déjà dans le business de la photo et des images qui bougent, elle est l'une des rares personnes, l'une des rares femmes à assister à ce qui, en fait, ce qu'invente les Lumières, c'est pas le cinéma. On sait bien que c'est Edison qui invente le premier avec le kinétoscope, la possibilité de voir des images qui bougent avec des scènes. Ce qu'ils inventent, eux, c'est le cinéma que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'image projetée, le cinéma projeté. C'est ça la grande, grande révolution, c'est-à-dire que tout à coup, le cinéma devient un spectacle et devient un plaisir collectif. Et elle est là, elle. Voilà. C'est un témoin avant tout. Un témoin et puis une actrice aussi. Et très vite, une actrice du jeu, exactement. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Jean-Michel Frodon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, professeur associé à Sciences Po Paris. Justement, dans cette histoire du cinéma, quelle place pour Alice Guy aux origines, en fait, de ce que... Alors, j'insiste à chaque fois en disant ce que nous entendons aujourd'hui par cinéma, parce que en cette fin du 19e siècle, la définition du cinéma n'est pas la même que maintenant. Ben, le mot n'existe pas. Il y a tout un tas de mots qui désignent ces dispositifs que nous appelons cinéma aujourd'hui. Le mot qui va s'imposer est une adaptation de celui qui existe à l'époque, qui est cinématographe. Ça, c'est l'invention des Frères Lumière. Et elle comporte un certain nombre de caractéristiques qui définissent, à mon avis, ce que nous continuons d'appeler cinéma 25 ans plus tard, et qui ont à voir, entre autres, avec la projection, mais donc aussi avec le rapport au collectif. Les Frères Lumière ont rassemblé des éléments techniques qui existaient tous déjà, mais ils en ont fait une synthèse qui, on peut dire, fait l'invention de ce que nous appelons cinéma, même si la projection avait existé avec les lanternes magiques, par exemple, depuis bien longtemps, puis la projection de dessins animés, hein, avec Paul Reynaud, et avec... Non, c'est pas Paul. Mais c'est pas Paul Reynaud parce que nous projetons en politique. Non. C'est Reynaud, mais c'est pas Paul. Émile Reynaud, avec la pellicule et l'image enregistrée avec Edison, etc. Mais donc il y a bien ce moment, alors que vous évoquiez, qui est la première projection publique et payante. Et ça fait partie du cinéma, et ça c'est le 28 décembre 1895, dès le mois de mars, donc il y avait eu cette séance pour les professionnels à laquelle avait assisté Alice Guy. D'ailleurs, pourquoi Alice Guy y assiste ? Parce que nous sentons que nous avons ici quelque chose d'extrêmement fermé, privé, une séance pour les professionnels. En quoi cette jeune femme est-elle professionnelle ? Alors dites-nous, José-Louis Boquet, vous avez retracé sa vie à Alice Guy en roman graphique. Alors, Alice Guy, juste pour aller très rapidement, hein, je suis désolé, mais il faut quand même revenir à ses origines. Elle vient de la bonne bourgeoisie savoyarde, mais en réalité, elle grandit avec son père qui est libraire-éditeur au Chili, qui est ruiné quand elle revient en France. Et donc, cette jeune femme, au début des années 1890, il faut qu'elle travaille. Et un ami de la famille, puisqu'elle joue bien du piano, lui conseille de devenir sténodactylographe. C'est un métier qui est alors réservé aux hommes, mais on est aussi en plein essor industriel, donc on commence à avoir besoin aussi de faire travailler les femmes. Elle fait un métier extrêmement moderne, sténodactylographe, et elle se retrouve dans une entreprise extrêmement moderne aussi, qui est le comptoir de la photographie. Quelques décennies plus tôt, la photographie, il faut plus de 20 minutes pour arriver à faire un cliché. Là, on est quasi à l'instantané. Ça s'est extrêmement démocratisé. Tout le monde fait des photos, tout le monde a besoin d'un appareil photo. Et le comptoir de la photographie, il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Léon Gaumont, Qui n'a pas encore racheté le comptoir de la photographie à ce moment-là, et qui l'engage comme secrétaire pour voir, elle a 22, 23 ans. Voilà. Donc elle est à un endroit qui est hyper moderne, c'est-à-dire la photographie. Jean-Michel Frodon. Oui, donc c'est tout à fait impressionnant, hein, puisque le cinéma français, mais on pourrait dire mondial, il a, dès les origines, même avant ses origines, ces deux noms qui existent toujours aujourd'hui, Gaumont et Pathé, puisque l'autre famille, il y a des frères dans les deux cas, mais il y en a un qui est plus important que les autres à chaque fois, sont déjà là, alors que le cinéma, lui, n'est pas encore inventé, et ils vont l'accompagner jusqu'à aujourd'hui, puisque ce sont des noms que nous connaissons très bien, la société Gaumont et la société Pathé, qui ont connu quelques tribulations entre-temps, évidemment, mais Alice Guy est aux côtés donc de vraiment de la naissance de cette aventure. C'est une aventure effectivement incarné. Il y a des personnages, c'est comme dans un film, il y a toujours des personnages, alors ils sont exceptionnels, Alice Guy, mais personnages formidables. Mais puis, il y en a certains dont on ne pensait pas connaître le nom, mais qui existent bien. L'arroseur arrosé, vous vous souvenez ? Cannes reçoit le cinéma, et c'est un palais tout neuf que M. François Mitterrand a inauguré en ouvrant le 3e Festival International du Film. Le cinéma, il est maintenant prétexte à de somptueuses soirées d'élégance. Gaby Morlaix en parle, et Eric von Stroheim, plus discret, y songe. Songe-t-elle, toutes ces vedettes, songe-t-elle à celui qui fut leur ancêtre à tous, au premier comédien de l'écran. Il s'appelle Jean-François Clair, il n'est plus qu'un petit vieux parmi d'autres à l'hospice de Montélimar, et pourtant il fut la première vedette il y a une soixantaine d'années. C'était l'époque du premier cinématographe et celle de l'arroseur arrosé. Jardinier des Frères Lumière, Jean-François Clair devint arroseur pour un jour, croyait-il. Sans doute, personne ne songe plus à lui à Cannes moins qu'ailleurs. Il lui reste la consolation du journal et le réconfort d'apprendre par celui-ci qu'on a tiré en l'honneur des vedettes un très beau feu d'artifice. Là, le beau feu d'artifice à Cannes en 1949 avec l'évocation de cet arroseur arrosé. Dites-nous, Jean-Louis Boquet, au moment de construire l'histoire d'Alice Guy, une biographie en fait, sous forme de roman graphique, vous croisez énormément de personnages. Vous croisez ces personnages, mais qui sortent, je ne peux pas dire de nulle part, parce qu'il y a des grands personnages comme Lumière, mais il y a énormément de hasard. Ce monde du cinéma des origines, c'est un monde où se retrouvent certains qui arrivent là un peu par hasard. Alice Guy, vous nous l'avez dit, elle était secrétaire sténotactile. Elle a eu la chance, je peux faire juste un aparté, vous savez que L'arroseur arrosé, c'est la première adaptation de l'histoire du cinéma, et c'est surtout la première adaptation d'une bande dessinée. C'était juste pour le plaisir de croiser à nouveau 7e art et 9e art, c'est que c'est l'adaptation d'une bande dessinée en fait. C'est pas un scénario original des Frères Lumière. Le début du cinéma, en fait, c'est un club très très fermé. Comme disait Jean-Michel, tous ces gens, les Lumières, les Gaumont, les Pathé se croisent. Enfin, je veux dire, c'est grand comme une cabine téléphonique, le monde du cinéma à cette époque-là. Donc, elle percute la modernité de cette fin du 19e siècle. Oui, et puis il faut se méfier de nos propres représentations. Jean-Michel Frodon, pour nous, c'est une évidence, une séance de cinéma. Nous payons, nous entrons, nous nous installons et nous regardons un film qui est projeté. Mais en cette fin du 19e siècle, ce n'est pas du tout évident. Edison avait imaginé un cinéma, mais individuel. Chacun regardait son film. Il avait imaginé la télé. Il avait imaginé, voilà, mais c'est ça. Tout est à inventer. C'est peut-être ça aussi qu'il faut souligner sur ces débuts du cinéma. Bien sûr, et c'est très sensible, par exemple, dans le fait que tous les mots que nous employons n'existaient pas et que ça a mis longtemps à ce que se stabilise le vocabulaire qui permette de désigner ce qui se passe dans le cinéma, qui est-ce qui fait les films, qui est-ce qui joue dedans, où est-ce qu'on les regarde, avec quels appareils on le fait, etc. Une autre variante très très importante est que, bien évidemment, il n'y a pas de cinéma au sens des lieux. On n'a pas construit de bâtiment destiné à cette pratique. Et puis, il y a tout ce qui se construira très lentement dans le rapport à la caméra par les gens qui sont filmés. Alice Guy va jouer un rôle important qui est remarqué plus tard quand elle va écrire dans ses studios américains « Be natural », jouer naturellement pour ses acteurs, parce que ça, c'était très bizarre de faire l'acteur devant une machine. Personne n'avait fait ça, et donc on a beaucoup de mal aujourd'hui à se représenter tous les déplacements mentaux, tous les déplacements même de comportement physique et même intérieur, affectif, que ça a entraîné cette irruption d'une machine à garder les traces du vivant, puisque c'est ça quand même qui s'active à ce moment-là, que ce soit de la fiction ou du documentaire, n'a finalement pas tellement d'importance. Et aujourd'hui, les films d'Alice Guy, qui joue ce rôle décisif dans le cinéma de fiction, sont aussi passionnants comme documentaires, pour avoir des archives visuelles de comment on s'habillait, comment on marchait, à quoi ressemblait la ville, puisqu'elle a tourné dehors, hein, et les lumières aussi, les gens à l'époque tournent beaucoup dehors. C'est Méliès qui va vraiment monter l'usage du studio et de lieux construits spécifiquement, autre lieu original qui n'existait pas. Donc il y a tous ces processus à l'œuvre simultanément dans ces années-là, dans les toutes dernières années du 19e et les toutes premières années du 20e. Oui, parce qu'il y a une effervescence à ce moment-là. C'est fou d'ailleurs comme tout va vite. José-Louis Boquet, justement, Alice Guy travaille chez ce monsieur Gaumont, il y a de la photographie, elle est secrétaire pour le dire simplement, mais comment en arrive-t-elle à faire des films ? Mais tous ces hommes sont avant tout des techniciens, des ingénieurs, et ce qui les intéresse, c'est de faire avancer le progrès, c'est finalement d'inventer ce qu'on va appeler le cinématographe. Alice, c'est pas du tout une technicienne. Il y a peut-être un des rares mots qui aura perduré, c'est celui d'opérateur. Elle travaille avec un opérateur, et très vite, elle comprend que ces machines, il va falloir les nourrir. Et que finalement, il y a peu de gens que ça intéresse de nourrir. Même les frères Lumière vont très vite engager des tas d'opérateurs qui vont faire le tour du monde pour raconter le monde et le montrer. Et Alice, qui a beaucoup lu quand elle était petite. Encore une fois, c'est une fille de libraire éditeur. Elle va très vite avoir envie de raconter ses propres histoires, ce qu'elle fait assez rapidement dès 1896. Elle n'a pas la même démarche que Méliès, par exemple, qui Méliès est un illusionniste. Et tout à coup, il voit en la caméra, il est là lors des projections de décembre 95, hein, et il veut absolument acheter la caméra, le cinématographe, que les frères, le père Lumière refuse. Il va récupérer une caméra en Angleterre, qu'il va retravailler, etc. Mais ce qui intéresse Méliès, c'est l'illusion, c'est de travailler avec la caméra pour faire encore avancer plus loin son travail d'illusionniste. Alice, elle veut juste raconter des petites histoires. Voilà. Ce qu'elle fait dès 1896 avec le fameux La Fée aux Choux que vous évoquiez tout à l'heure. Ah, c'est génial, La Fée aux Choux. D'ailleurs, c'est possible de le voir ce film en tapant Alice Guy et Choux sur Internet. On tombe dessus. C'est génial. C'est la grande chance de notre génération. C'est que nous pouvons assez facilement voir des films d'Alice Guy en tapant sur un bouton ce qu'elle-même n'a pas pu faire de son vivant. Elle a attendu des décennies avant de revoir ses films. Et comme le disait Jean-Michel tout à l'heure en antenne, c'est Langlois qui, à la fin des années 50, va réussir à retrouver quelques-uns de ses films, à faire une projection publique. Donc quasiment 70 ans après. C'est énorme, hein, parce que Jean-Michel Frodon, faut rappeler un peu le statut de ces films. Était-il là pour être conservé longtemps? Comment envisageait-on ces films qui, d'ailleurs, ne duraient pas très longtemps? Alors, ce sont tous des très courts métrages. On dit qu'Alice Guy a fait 1000 films. Bon, personne ne peut compter exactement, mais c'est de cet ordre de grandeur là. Mais évidemment, ce sont presque tous des films très courts, et c'était des films jetables, hein, c'était des films qui étaient donc montrés dans des baraques foraines, dans un dispositif qui était très important à l'époque, qu'on appelait le café-concert, comme des attractions entre des musiciens ou du spectacle vivant, et puis les gens qui buvaient et qui mangeaient, et donc ça fait partie de tout ce mouvement de la fin du 19e siècle en Europe et aux États-Unis, ils sont dans les pays les plus industrialisés, du loisir de masse, des débuts du loisir de masse. C'en est une composante pas noble du tout à l'époque, même carrément trivial. Il faudra attendre la fin de la décennie, la première décennie du XXe siècle, pour que commence à se construire une forme de considération pour le cinéma, que ça s'approche de l'idée que c'est un art. Hein. Ce sera Monsieur Canudo qui parlera de ce qu'on appelle désormais le septième art. Ça se fait pas tout de suite. Et donc, les petites réalisations d'Alice Guy, qui sont pour un grand nombre d'entre elles, formidables, qui méritent d'être regardées, pas seulement comme des documents d'époque. C'est drôle, c'est inventif, c'est provocateur. Ça va dans plein de directions. Il y a des films sur le féminif, il y a des films sur le désir féminin, il y a des inventions formelles aussi bien que des propositions de transgression du conformisme de l'époque. Et donc, c'est pas juste pour retrouver des vieux trucs. C'est vraiment pour le plaisir de regarder les films aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas considéré comme des œuvres ni des choses à conserver. Dans les couloirs de la Maison de la Radio, France Culture, en croisant Antoine Guillot, vous savez, l'émission Plan Large, hein, à retrouver franceculture.fr, l'appli Radio France, et Antoine me disait, mais personne n'a été voir des films d'Alice Guy, tout simplement parce que le nom du réalisateur, de la réalisatrice, n'était pas mis en avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Michel Frodon, l'idée que en cette toute fin du 19e siècle, et surtout début du 20e siècle, ce n'est pas le réalisateur qui met en avant, on va voir éventuellement un acteur, surtout un sujet, mais Alice Guy, c'est pas comme aujourd'hui le statut du réalisateur. Alors ça c'est vrai pour tout le monde, les auteurs, ce que nous avons labellisé comme auteurs, mais bien après, des films ne sont pas connus ou reconnus. Méliès va quand même construire une forme de visibilité, puis Feuillade, avec des feuilletons, donc des films à épisodes qui gagnent en reconnaissance parce qu'on retrouve les mêmes personnages, mais c'est fait par le même type, etc. Et donc, ça va s'établir. Et à partir donc de cette idée du septième art, là, on va commencer très lentement à faire un peu attention à qui a fait les films. Mais on peut dire que les 15 premières années du cinéma, effectivement, Antoine Guillot, comme toujours d'ailleurs, a raison. On va voir. On disait par exemple aux États-Unis, on va voir les films de la fille de la métrographe. On savait pas son nom. On savait qu'il y avait cette actrice qui jouait dans tous les films de produits par cette société, la métrographe. Donc on connaissait le nom de la société de production et il y avait la fille de la métrographe. Oui, voilà. Et on ne va pas plus loin. Et dans cette histoire, celle d'Alice Guy qui nous intéresse aujourd'hui, il y a tous ces personnages. Alors nous les évoquons les uns après les autres. Il y a les frères Lumière, il y a Gaumont, il y a Pathé, il y en a tant et tant d'autres, et notamment Louis Feuillade. Au service de la Cinémathèque française pour la recherche historique, je me penche sur un passé dont je veux fixer les points éblouissants. Les noms qu'on se doit de ne pas oublier. Voici celui d'un animateur étourdissant, Louis Feuillade, le créateur du film à épisodes. Vous rappelez-vous, ceux qui ont plus de 30 ans, que haletant vous attendiez la suite à la semaine prochaine. Époque merveilleuse, dynamique avant l'heure. Le grand Gaumont Palace plein à craquer prouvait que le cinéma savait faire vivre une corporation d'ouvriers adroits, tout un monde évoluant largement payé. J'avais 1 000 francs or par mois. Monsieur Gaumont était un organisateur, laissant à Louis Feuillade toute liberté artistique, pendant que messieurs Domeny et Auguste Baron cherchaient l'amélioration des appareils de prise de vue, de son et de couleur. C'est en 1945 que l'actrice Musidora évoquait ses souvenirs. Ça fait rêver hein, toujours parce que effectivement, toutes ces personnes ont vécu longtemps. Nous parlons d'Alice Guy. Elle est morte en 1968. Elle a vu toute cette histoire du cinéma. Pourtant, elle est la première et Musidora, c'est pareil. Louis Feuillade, José-Louis Boquet est un personnage aussi essentiel. Mais c'est un peu comme cette histoire d'Alice Guy. C'est un peu comme les Frères Lumière. C'est systématiquement trouver la bonne voie, en fait. Pour Louis Feuillade, c'est trouver cette idée de feuilleton, tout comme Alice Guy, elle a trouvé la fiction. Alors, quand Louis Feuillade arrive, est engagé par Alice Guy, qui est donc là, Gaumont a fini par comprendre qu'effectivement, il fallait vraiment nourrir les machines. Et il finit par construire les fameux studios LG sur les buts de Chaumont. Et dans ces studios, règne Alice Guy, qui n'est plus secrétaire et qui est directrice du théâtre de prise de vue. Il faut alimenter les studios, donc elle engage des réalisateurs, elle engage des acteurs et elle engage des scénaristes. C'est comme ça qu'elle rencontre Feuillade, qui est plutôt qu'un félibrige poète occitan et qui se dit qu'il y a peut-être moyen de gagner sa vie avec le cinéma et qui va découvrir une véritable passion pour le cinéma. Quand il arrive chez Gaumont, donc vers 1905-1906, Alice Guy a déjà créé le film feuilletonesque avec La vie et la passion du Christ, qui est son premier film signé. C'est-à-dire là, c'est le premier, c'est vraiment sa première œuvre, si on peut dire, d'Alice Guy reconnue. Donc c'est elle, avec La vie et la passion du Christ, qui finalement invente ce que Feuillade va faire merveilleusement avec Musidora, qui sera l'une de ses muses, qui sera Irma Vep, si je ne m'abuse. Irma Vep dans Les Vampires, voilà, parce que on connaît surtout Feuillade pour Fantomas, oui. et à juste titre, car c'est une série, hein. C'est vraiment des séries, les deux. C'est ce que vient de décrire Musidora, ce rendez-vous donné aux spectateurs pour se retrouver à l'épisode suivant. Et l'autre grand œuvre de Feuillade, donc c'est Les Vampires, qui est en train de donner lieu à une autre série dont le tournage s'achève dans 2 jours, réalisé par Olivier Assayas. Ah bah oui. Mais voilà, évidemment, parce que nous avons ici cette longue histoire du cinéma. C'est magique, hein, parce que tout le monde se répond. En vérité, c'est très court dans le temps. Nous parlons d'un phénomène en génération. Et dans cette histoire-là, il y a Alice Guy. C'est qui elle ? Guy. Comment ? Guy. Comment ça se prononce ? Guy. France Culture. Guy. Yeah. Guy. Guy. Non, c'est plus Guy. Le cours de l'histoire. Guy. Guy. Xavier Mauduit. C'est plus Guy. Non, c'est plus Guy. Après, quand même, je sais comment je m'appelle. Guy. Bah oui, elle s'appelle Alice Guy. José-Louis Boquet, Alice Guy, vous nous l'avez dit, signe la vie du Christ. Enfin, c'est une œuvre. Et il y a cette idée d'être une femme dans un monde très particulier, parce que dans la création de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, ou alors le salon reste encore important pour la peinture, la sculpture, le cinéma est en marge. Est-ce difficile pour Alice Guy? Doit-elle se battre pour s'imposer en tant que femme dans ce monde de la création? Elle dira plus tard, une fois installée aux États-Unis, qu'elle avait du mal à avoir la confiance de ses équipes en France. Et que autant elle était très rapidement acceptée sur un plateau américain, parce qu'on estimait que si elle était là, c'est qu'elle avait des raisons d'être là et que son autorité n'était jamais remise en cause. Mais en France, faut pas oublier que elle est là à la base, à la création, c'est-à-dire qu'on engage des gens qui viennent de partout. Son opérateur, le fameux Anatole Tiberge, c'est un ancien éleveur de poulets en Bresse. C'est-à-dire que les gens viennent de partout et l'autorité du réalisateur, qui s'appelle pas encore le réalisateur évidemment, disons du metteur en scène, n'est pas encore avérée. Il n'y a pas encore la hiérarchie qu'on va connaître plus tard dans le cinéma où chacun reste à sa place. Là, qu'est-ce que c'est que cette petite bonne femme qui nous donne des ordres? Donc elle est obligée d'asseoir son autorité et elle le dira. Elle n'est jamais en familiarité avec ses équipes, sauf avec Louis Feuillade, qui devient vraiment son ami et un complice de création. En tout cas, Alice Guy crée, mais un nombre de films, c'est sidérant et avec beaucoup de vivacité. Grâce à elle, nous avons envie d'aller au cinéma. Alors là, en l'occurrence, c'est avec Raymond Souplex. L'autre matin, sur le coup de 9h, je patiente tout bêtement sur le boulevard. Je vois des affiches en couleur que t'imposais sur un grand bazar. Un gars nippé comme un cosaque, gueulé comme un goré de 2 ans. N'étaient tous pour voir les spectacles, à ce coup c'est du vrai 100%, 100% que je me mémore, ça doit être un bel attrape-nigo. Ce truc-là, ça doit être encore un machin pour voler les gogos. Je demande à monsieur le cosaque, là c'est un cinéma qui me fait. Puis j'entre dans la baraque et je vois 10 francs au petit guichet. La dame me donne un air aimable, un petit bout de carton tout menu. J'y fais, c'est pas ben présentable, vous n'auriez pas la taille au-dessus. Je regarde donc pas à la dépense, mes chenoux quand je voyais montrer ça. Ils vont me dire, eh ben là tu penses, il est rimpouilleux ton cinéma. On me donne un fauteuil tout de même, je m'assicrais, dit que c'était moelleux. J'enfonce comme dans de la crème, j'étions aussi bien que le bon Dieu. Suis la pointe des pieds, je me soulève, puis je me laisse retomber mollement. V'là l'air sourd à ce coup qui me relève, et puis béatement je redescends. Mais v'là qu'on rallume les lumières, et puis tout à coup v'là que ça se réteint. Et alors sans faire plus de manière, ils se remettent à penser le même machin. Je pense qu'il y a des imbéciles qui n'ont pas compris du premier coup. C'est pourtant pas difficile, à ce joyeux expliquer tout. Je dis à mon voisin, y a un traître, c'est ce petit brin que vous voyez là. Et ce gars-là, sans que ça puisse paraître, l'air qu'il a, ben il ne l'a pas. Mais le voisin, c'était pas honnête, voilà qui me dit, veux-tu me foutre la paix? Bon, si vous voulez rester bête, c'est pas moi qui vous en empêcherai. Puis on rallume les chandelles, et puis tout à coup, là que ça se réteint. Et sans se creuser la cervelle, ils se remettent à penser le même machin. Pension, la maison est bonne, on en a 20 poussés 10 francs. Dommage que ça soit une monotone, on voit les mêmes fourmis tout le temps. Et v'là qu'on rallume les camoufles, et puis tout à coup, v'là que ça se réteint. Et alors, sans que ça les essouffle, ils recommencent à repasser le même machin. Restions là, ne sachant trop faire, j'osions seulement pas dire un mot. Faites peur que le cosaque sans manière vienne pour me botter le bas du dos. Je trouvions pas ça tout à fait rose, ça finit qu'à 2 heures tapant. Voir 10 ou 12 fait la même chose, ça va mais tout le temps s'élançant. Les parisiens, ils vous racontent, chez nous y a des spectacles épatants. Mais tu t'es heureux, je m'en rends bien compte, on y fait voir les mêmes trucs tout le temps. Ah bah oui, je le sais, c'est très bien. Ah bah oui, c'est très bien. Raymond Souplex au cinéma dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Arthur Dumont, le cours de l'histoire avec Alice Guy, une réalisatrice hors champ, une réalisatrice à l'origine de beaucoup de genres. José-Louis Boquet, vous publiez Alice Guy, Catel et Boquet chez Casterman. Et justement, nous nous amusons beaucoup de ce moment très particulier de l'invention du cinéma, où tout est à inventer, le péplum est à inventer, le western est à inventer. Il y a tellement de choses à faire. Et Alice Guy, mais nous la retrouvons à plein de moments de cette histoire. Elle va tout tenter. Il faut pas oublier qu'elle a deux carrières. Elle a la carrière de pionnière du cinéma en France avec Gaumont, puisqu'elle fonde quand même les productions Gaumont avec son patron Léo Gaumont. Et puis, Et puis, à un moment donné, elle rentre dans le rang quand même. C'est-à-dire qu'elle se marie avec un opérateur qui vient d'Angleterre. Et cet opérateur est envoyé par Gaumont aux États-Unis. Elle est mariée et elle suit son mari. Elle abandonne donc la direction du théâtre de prise de vue. Et elle demande à Feuillade, à Louis Feuillade, de la remplacer. Là, la grande carrière de Feuillade va commencer. Puis elle se retrouve aux États-Unis avec un enfant, deux enfants, elle est une bourgeoise installée avec son mari, et puis à un moment donné, elle en peut plus, et elle finit par créer sa propre maison de production, la Solax. Elle va devenir donc la première productrice aux États-Unis, et aussi, à ce moment-là, la première réalisatrice. Et là, elle va s'essayer à tout, à nouveau, effectivement. Elle va aussi bien faire des adaptations d'Upton Sinclair ou de Balzac, que de faire des westerns, que de faire des films de pirates, que voilà. Tous les genres possibles. Comme le disait Jean-Michel Frodon tout à l'heure, avec un vrai regard, avec un regard féminin. Elle l'a déjà, Jean-Michel l'évoquait tout à l'heure avec les résultats du féminisme, avec Madame à ses envies, etc. Et elle va continuer à avoir un regard extrêmement pertinent et féminin sur ses héroïnes et sur les histoires qu'elle va raconter par la suite. Et surtout avec ce credo qui est « be natural ». Au départ, les acteurs, c'est n'importe qui. Personne n'a envie de se retrouver devant une caméra. Puis finalement, les acteurs de théâtre finissent par comprendre que c'est quand même un joli complément, que c'est aussi un complément de popularité. Mais les acteurs de théâtre, ils jouent pour être vus de loin. Il leur faut beaucoup de temps pour comprendre que la caméra les voit de près. Donc, on est dans l'emphase. Et Alice, c'est pour ça qu'elle met dans ses studios à la Solax aux États-Unis, dans le New Jersey, elle va mettre « be natural », rester naturel, arrêter de bouger dans tous les sens. Justement, ce « be natural », Jean-Michel Frodon, est important dans l'histoire du cinéma parce qu'il inspire Alice Guy, qui a été longtemps oubliée et redécouverte parce que sa démarche première à l'origine du cinéma inspire des décennies plus tard. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire visionnaire, parce que il n'y a pas de trace à ma connaissance qu'elle ait anticipé ce qui allait se passer. Elle fait les choses dans le temps où ça arrive, mais elle invente tout le temps des idées, des manières de filmer, des manières de jouer, des manières d'organiser l'espace aussi, qui vont après faire partie du langage cinématographique. Il y a cette dimension qu'on vient de rappeler très très importante du féminisme. Il y a aussi le fait qu'elle est la première réalisatrice d'un film dont tous les acteurs sont noirs. Aux États-Unis, ce qui franchement ne va pas de soi, un film qui s'appelle A Fool and His Money et qui, tel qu'elle l'avait écrit, en fait il y avait des noirs et des blancs, mais les blancs refusaient de jouer avec les noirs, et comme elle refuse ce qu'on appelait déjà le blackface, le fait de maquiller en noir, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, quand on voulait un personnage noir, on prenait un blanc et on lui passait le visage au cirage. Pour être précis, presque toujours, on prenait un personnage juif et on lui passait le visage au cirage. On a ce film qui est donc assez fondateur aussi dans cette direction-là, d'un cheminement long et difficile, comme on sait, qui sera celui de la présence des Noirs à l'écran. José-Louis Boquet. Et ce qui est assez extraordinaire avec ce film, c'est qu'il n'a été retrouvé qu'en 2018. On connaissait le scénario depuis quasiment toujours, puisqu'il avait été publié à l'époque dans des revues professionnelles américaines, mais il n'avait jamais été stipulé, donc on connaissait l'histoire. On a un jour retrouvé les films, on a réussi à bouger. Ça change toute l'histoire du cinéma afro-américain, puisqu'on estimait jusqu'à maintenant que le tout premier acteur noir devant une caméra américaine, c'était 1914, pour jouer la quatrième version de la case de l'oncle Tom. Enfin, on avait pris un acteur noir pour jouer Tom. Et donc, la découverte de ce film d'Alice Guy, qui date de 1912, tourné sur le sol américain, transforme même l'histoire du cinéma américain. C'est ce qui est extraordinaire avec le cinéma primitif, même si on estime qu'il n'y a pas plus de 10% des films qui auraient été retrouvés aujourd'hui, c'est que on continue toujours à en trouver au fond de caisse, au fond de grange, puisqu'effectivement c'était les forains qui les montraient et qu'ils ne sont jamais revenus chez les producteurs. Et on en trouve encore. On trouve encore ce type de trésor. Ah oui, trésor. Vous avez raison. C'est le mot, parce que quand nous voyons ces films, il y a une émotion du document historique que vous évoquiez, Jean-Michel Frodon, la dimension esthétique aussi qui fonctionne toujours. Dites-moi, Jean-Michel Frodon, vous publiez le cinéma à l'épreuve du divers, politique avec un S, du regard aux éditions du CNRS. Justement, quelle est la place d'Alice Guy dans cette histoire du cinéma à l'épreuve du divers, de l'autre, de ce qui est différent? La place d'Alice Guy est multiple. D'abord, elle-même est, représente ce qu'on appelle le divers. Le mot divers dans ce livre vient de Victor Ségalen, un texte qui s'appelle De l'exotisme. Et il disait l'exotisme. Il essayait de sauver le mot exotisme, mais aujourd'hui, je crois que c'est perdu pour lui et qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Hélas, parce que c'était un beau mot qui a été après employé de manière tellement péjorative ou désignant des choses si horribles que c'est difficile de revenir en arrière. Il disait, c'est le sentiment que nous avons du divers. C'est-à-dire, non pas que les choses sont différentes entre elles, ça on sait, mais comment nous percevons ces écarts et ces différences. Alice Guy étant une femme dans ce milieu extrêmement masculin, parce qu'elle est la première, mais elle est la seule, et elle est la seule longtemps, en tout cas en France. Aux États-Unis, il y a des réalisatrices tôt, qui vont être plutôt éliminées. Ça va être un autre mouvement, un peu, c'est intéressant, parce que dans les années 10 et 20, quand on prend pas trop le cinéma au sérieux, on laisse faire les femmes, et puis quand on voit que il y a du gros business à faire, elles vont dégager. C'est tout aussi violent, mais pas de la même manière que ce qui se passe en France, où il n'y a juste pas de place pour elle pendant très longtemps. On va dire, à part Germaine Dulac, à peu près jusqu'à l'après Deuxième Guerre mondiale. Comme le droit de vote. Et puis le divers, c'est ce que filme Alice Guy. On l'a dit à propos d'idées féministes, de la place des femmes. Et c'est pas, il y a du féminisme déclaratif au sens auquel nous l'entendons, mais il y a surtout une place à la féminité sous des formes très diverses, y compris disruptives, comme on dit aujourd'hui, c'est assez troublante et perturbante. Il y a cette présence des Noirs. Mais il y a le rapport aux migrants, il y a énormément de dimensions de cet immense catalogue, on pourrait dire, de ce qui fait le divers et qui nous occupe. Il y a même le rapport au paysage et aux animaux, dans les westerns en particulier, qui sont très bien filmés dans quelques-uns des films d'Alice Guy aux États-Unis, et donc qui ensemble font que Alice Guy est une bonne héroïne de mon histoire. De votre histoire, voilà, le cinéma à l'épreuve du divers. Effectivement, Alice Guy est une femme, et oui, il faut le rappeler, dans ce monde très particulier du cinéma, Alice Guy a laissé des mémoires qu'elle a rédigées dans les années 1960, qui ont été publiées dans les années 1970, comme quoi ça ne l'intéressait pas tant que ça, les éditeurs. Un petit extrait lu pas par n'importe qui, c'est par Delphine Seyrig. Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu. Pas mal retenu. J'avais fait un peu de théâtre amateur et pensais qu'on pouvait faire mieux. Marmant de courage, je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Sur France Culture en 1975, donc c'est-à-dire l'année avant où paraissent les mémoires d'Alice Guy, Delphine Seyrig lisait ce petit extrait. Ça vous étonne, José-Louis Bocquem, il y a des trucs exceptionnels sur France Culture depuis toujours. Mais ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'elle ait lu ces extraits un an avant la publication des mémoires, puisque effectivement c'est en 76, grâce à l'association Musidora. Donc c'est pour ça que je suis assez épaté. Il y a Toscan Duplantier dans cette émission-là aussi, qui est aux commandes. C'est intéressant de réfléchir à Alice Guy redécouverte, justement. José-Louis Bocquet, à quel moment redécouvre-t-on Alice Guy? Parce que elle est toujours vivante, il faut le rappeler. Elle décède en 1968, donc elle voit toute cette histoire. Mais en fait, Alice Guy va être la première promotrice de son existence dans l'histoire du cinéma. Dès les années 30, un article dans un grand quotidien parle de la première réalisatrice du cinéma français, Germaine Dulac. Ça la rend dingue, Alice, évidemment, puisqu'elle avait, finalement, on n'a pas encore retrouvé la vie, la passion du Christ, que Langlois va retrouver chez un collectionneur de films primitifs en Allemagne, etc. Enfin, c'est très compliqué. Elle écrit une lettre argumentée avec des preuves à l'appui, c'est-à-dire des photos pour dire, non, c'est moi la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et ça va être tout son combat, c'est-à-dire elle va poursuivre tous les Sadoules après la Seconde Guerre mondiale, qui va être le premier vraiment historien reconnu dans le monde entier, etc., va lui attribuer des films, va attribuer ses films à d'autres gens. Elle va le poursuivre, Sadoul, en disant « Venez chez moi à Bruxelles, je vis à Bruxelles, je vais vous montrer les preuves, comme quoi c'est bien moi la réalisatrice. » Donc elle va être hyper active, en fait, pour sa propre reconnaissance. Elle va être très active, et aussi Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, qui va lui aussi faire des conférences et avec Marcel Pagnol œuvrer pour qu'elle ait même la Légion d'honneur à la fin des années 50. Donc elle est Jean-Michel Frodon, dans un de ses articles, dit quelque chose de très juste. Et Alice Guy, c'est pas que son histoire n'ait jamais été racontée, c'est qu'elle n'a pas été entendue. Voilà. Donc, c'est une histoire qui se raconte depuis longtemps, et c'est seulement aujourd'hui qu'il commence à voir un écho ailleurs que chez les spécialistes du cinéma. Et comment l'expliquer, Jean-Michel Frodon, justement, le fait qu'elle n'ait pas été entendue? Alors, il y a deux raisons, me semble-t-il. La première, c'est très simple et très évident, ça s'appelle la misogynie. Les femmes sont gardées dans l'ombre le plus possible dans tout un tas de domaines. C'est pas exactement une révélation, mais c'est vrai, et ça continue d'être vrai aujourd'hui très largement. Il y en a une autre qui concerne sûrement les historiens en général. Je peux pas me permettre de porter de jugement aussi large, mais en tout cas les historiens du cinéma, et je m'y inclus, qui est que nous construisons une histoire, une historiographie, des repères, et une fois qu'on les a, ça va. On est au bien avec ça, on est tranquille. Et non, mais attendez, il manque tel. Alors parce que il y a un peu en face une tribu dissidente qui, elle, invente tous les 15 jours le nouveau plus important cinéaste de tous les temps. Et donc, et ils ont tort aussi. Ils en font trop dans l'autre sens. Et ça, mais ça conforte les défenseurs de ce qui est une histoire officielle, un peu par par confort, pour pas dire par paresse, et qui va faire qu'on va on va avoir construit ces grands noms qui jalonnent l'histoire du cinéma une bonne fois pour toutes, et que on est très réticent à les déplacer. À quoi s'est ajouté, dans le cas d'Alice Guy, dans la période récente, vraiment la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un espèce de mouvement de balancier qui est intéressant, je pense, et qui a du sens même au-delà de son cas, où des gens qui, à très juste titre, voulait que Alice Guy occupe la place qu'elle mérite, en ont fait trop, en disant elle est totalement inconnue, quelqu'un a écrit dans Libération, jamais en France on ne montrera un film d'Alice Guy, alors que ça fait quand même 50 ans qu'on en montre, et bien entendu, désormais, on en montre bien davantage, et c'est tant mieux. Et donc, les historiens sérieux disent, qu'est-ce que c'est que ces histoires à la gomme, c'est n'importe quoi, taisez-vous, alors que ces gens-là, mais c'est un peu toute l'histoire du mouvement MeToo, c'est en poussant très très fort dans un sens utile, nécessaire, de remettre à sa place des choses qui ont été invisibilisées, comme on dit, parce que c'est pas qu'elles sont invisibles, c'est qu'elles sont invisibilisées, qu'il y a des processus actifs dans le monde qui les font disparaître ou qui les gardent dans l'ombre, vont trop loin dans un autre sens, et du coup ça déclenche de nouvelles réactions, et on se perd un peu, et c'est injuste parce que c'est Alice Guy qui une fois encore, n'est plus à la place qu'elle mérite. La nuance, encore la nuance. Justement, c'est peut-être le moment de lui laisser la parole à Alice Guy. Nous sommes heureux qu'on puisse rendre enfin hommage à Madame Alice Guy Blachet, car elle fut plus connue sous le nom d'Alice Guy, n'est-ce pas? Mais dites-moi, votre premier film vrai, La fée aux choux, combien durait-il? Oh, à peu près 25 mètres. 25 mètres? Oui, tout au plus. Et quel a été le plus long film que vous ayez fait? Eh bien, je crois que c'est La Passion, que j'ai fait en 1907, en 1906, avant mon départ pour l'Amérique, et où j'ai fait des surimpressions, etc., des choses qui étaient alors tout à fait nouvelles. Et le film durait combien? Le film, il avait 600 mètres. Avait 600 mètres. Et vous étiez à la fois la scénariste, oui, le réalisateur, oui, Et d'autre part, vous êtes devenue productrice en Amérique. Oui, je suis devenue productrice en Amérique. Nous sommes partis pour représenter le Chronophone. Mon mari était directeur, comme vous le savez, directeur d'une des branches, la branche allemande. Et M. Gaumont l'a choisi pour aller présenter le Chronophone en Amérique. Quel destin. Alice Guy, qui s'exprimait en 1959, c'est au moment où elle est récompensée, où elle est décorée. Hein. Dites-nous... Exactement, François Chalais va l'interviewer, etc. C'est ça. Elle est vraiment honorée à ce moment-là. Elle sera très fière de sa Légion d'honneur. Et en tant que première metteur en scène... et producteur français. Et justement, José-Louis Boquet, quand, avec Catel, vous vous saisissez de ce destin, Alice Guy, il n'y a pas une histoire à raconter. Il y a l'histoire du cinéma, le destin d'une femme, destin d'Alice Guy lui-même. C'est pour ça qu'on a reculé le plus longtemps possible. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et c'est absolument passionnant parce que, en vous lisant, j'ai été sensible à ce début du cinéma, ce monde d'amateurs, en fait. Cette idée que tout est possible. On ne connaît pas la suite. À quoi va ressembler une projection, je ne sais pas. Ce sont des aventuriers. C'est ce qui est hyper excitant, c'est de voir aussi bien Dominique, les Lumières ou Gaumont, Méliès s'enflammer pour ce monde, ce continent inconnu qui vont aller explorer tous ensemble. Et justement, Jean-Michel Frodon. On a entendu là dans cet extrait très émouvant, elle parle du Chronophone, ça veut dire qu'il cherche à faire du cinéma sonore bien avant que celui-ci ne s'impose. C'est un des dispositifs, il y en a eu plusieurs. Elle parle de surimpression et elle laisse entendre qu'il y avait d'autres dispositifs visuels qu'elle a inventés. Comme toujours, elle est peut-être pas la seule à l'inventer, mais elle explore, et c'est une sorte de territoire à inventer à ce moment-là, tout à fait passionnant et très très vaste. Et c'est passionnant de vous écouter l'un et l'autre, de vous lire aussi José-Louis Boquet, Catel et Boquet, Alice Guy chez Casterman, donc régal. Il n'y a pas d'autre chose à dire, non, mais c'est roman graphique, on se laisse emporter, c'est merveilleux. Et Jean-Michel Frodon, le cinéma à l'épreuve du divers, regards politiques, parce qu'il y a de la politique dans cette histoire, aux éditions du CNRS, politique du regard politique. Et puis, peut-être autre chose à faire, c'est simplement aller voir quelques films d'Alice Guy, hein, aller traîner sur Internet et puis taper Alice Guy, des films, Les Choux, j'ai adoré, avec ces bébés qui se hurlent de ils n'ont pas du tout envie d'être là. L'actrice les jette par terre directement, donc... C'est à aller voir. Merci vivement à tous les deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel. Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Une réponse éclairante à une question simple. Fallait-il indemniser les colons de Saint-Domingue ? Sous l'Ancien Régime, le pays qu'on appelle aujourd'hui Haïti faisait partie de l'île de Saint-Domingue, considérée comme la perle des Antilles, car c'était la colonie la plus riche et la plus peuplée de la Caraïbe française. C'est là que se produisit la fameuse révolte des esclaves qui incita la Convention à abolir l'esclavage dans tout l'Empire colonial français en 1794. Après une longue période d'instabilité, que Napoléon Ier mit à profit pour rétablir l'esclavage, la partie occidentale de l'île proclama son indépendance en 1804 pour devenir la République de Haïti, la première république noire et même le premier État noir des temps modernes. Les anciens propriétaires blancs, qui furent alors expropriés, firent pression pour empêcher que le nouvel État soit reconnu par le droit international. En 1814-1815, les traités de Paris, ayant déclaré que cette île de la Caraïbe était toujours française, les colons réclamèrent une intervention militaire pour récupérer leurs biens. Craignant une nouvelle guerre dans la région, Charles X proposa au gouvernement de Haïti de reconnaître son indépendance en échange d'une indemnisation des anciens propriétaires évaluée à 150 millions de francs or, somme qui représentait l'équivalent d'une année de revenus de la colonie aux alentours de la Révolution. Une commission royale fut mise en place pour vérifier les demandes de 27 000 propriétaires et leurs ayants droit. 12 000 dossiers furent finalement retenus. Mais les troubles politiques et militaires qui avaient ensanglanté l'île, le blocus qu'elle avait subi, l'effondrement du cours du café, privèrent l'État haïtien d'une grande partie de ses recettes. En 1838, alors que 30 millions avaient été versés, avec un retard de plus de 10 ans sur les échéances prévues, le gouvernement français accepta de limiter le reliquat de dette à 60 millions de francs. Au total, le montant de la dette s'éleva donc à 90 millions, ce qui correspondait sensiblement au montant de la vente de la Louisiane par Napoléon Ier. Haïti ne s'acquitta de sa dette qu'en 1883, mais elle fut contrainte aussi à payer des agios sur l'emprunt contracté pour payer la dette. Ceux-ci ne seront réglés qu'au milieu du XXe siècle. Au final, on peut dire que l'ordonnance de 1825 fut un moyen efficace pour placer la jeune République haïtienne sous la coupe de l'État français, car elle était désormais enchaînée à l'obligation de s'acquitter non seulement de l'indemnité, mais également de l'emprunt contracté pour en honorer le versement. Cette double dette d'indépendance apparaît clairement comme une dimension de la domination coloniale ayant permis à l'ancienne métropole de conserver une hégémonie officieuse sur une colonie rebelle. À cela s'ajoute la question des inégalités dans l'indemnisation des colons. Les plus modestes d'entre eux, croulant sous les dettes, furent rapidement dépouillés de leur indemnité au profit de leurs créanciers. Les démarches administratives nécessaires pour espérer en bénéficier avaient un coût. De plus, il fallait avoir un domicile à Paris pour être éligible. Les petits blancs désargentés réalisèrent donc qu'ils n'avaient guère intérêt à demander cette indemnité. Finalement, seuls les plus riches tirèrent avantage de la spoliation du peuple haïtien. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment est à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, ainsi que toutes les émissions, celles d'aujourd'hui, les précédentes, du cours de l'histoire. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Diudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet, a exploré aussi le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.